Mosquée du prophète. Al-Masjid al-Nabawi. Quand le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, arriva à Médine, qui était alors appelée Yathrib, il montait son chameau. Les chefs de la ville, ainsi que ses partisans, l'accueillirent dans leurs plus beaux habits et rayonnant de bonheur. Chacun espérait qu'il s'arrêterait chez lui. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, répondait poliment et gentiment à chacun. « Ce chameau est commandé par Allah. L'endroit où il s'arrêtera deviendra ma demeure. » Le chameau atteignit l'emplacement de l'actuelle mosquée du prophète et s'agenouilla. Là, il descendit dans un quartier qui appartenait à deux orphelins des Bani Najjar, une tribu affiliée au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, du côté maternel. Alors, le messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit « Voilà la maison ». Ce fut à cet endroit précis qu'il construisit sa mosquée. La terre fut d'abord achetée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui-même, prit part à la construction de la mosquée avec des briques d'argile et des pierres. Le toit fut construit avec des feuilles de palmier et supporté par des troncs d'arbres. Au fond de la mosquée, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fit construire un petit endroit appelé As-Sufa, où les compagnons pauvres passaient leur nuit. La mosquée fut au début élargie par le prophète lui-même, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, un nombre de califes, incluant Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Al-Walid ibn Abd al-Malik, en firent de même. Cependant, les élargissements majeurs eurent lieu sous les règnes du roi Abdelaziz al-Saoud et de son fils, le roi Fahd. La mosquée du prophète est la seconde mosquée en islam après la mosquée sacrée de la Mecque. Elle a aussi de nombreux mérites et vertus. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Vous ne devez pas entreprendre un voyage spécifique pour visiter un lieu en dehors de ces trois mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée de Médine et la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi dit « Une prière accomplie ici, dans ma mosquée, est meilleure que 1000 prières accomplies autre part, excepté dans la mosquée sacrée à la Mecque, ou une prière est meilleure que 100 000 prières accomplies dans une autre mosquée. » Rapporté par Ahmed. Il y a dans la mosquée du prophète un lieu d'une grande importance connu sous le nom de Raouda, jardin, à propos duquel il a dit « Entre ma maison et ma chair, il y a un jardin, Raouda, parmi les jardins du paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.